Vision de Rem, sonnet 2. La lune sur le Nil, splendide et ronde, lui. Et voici que s'émeut la nécropole antique, où chaque roi, gardant la pose hiératique, gît sous la bandelette et le funèbre ennui. Tel qu'au jour de Ramsès, innombrable et sans bruit, tout un peuple formant le cortège mystique, multitude qu'absorbe un rêve granitique, s'ordonne et se déploie et marche dans la nuit. Se détachant des murs brodés d'hiéroglyphes, ils suivent la bari que portent les pontifes d'Amon-Ra, le grand dieu conducteur du soleil. Et les sphinx, les béliers ceints du disque vermeil, éblouis, d'un seul coup se dressant sur leurs griffes, s'éveillent en sursaut de l'éternel sommeil.